Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Joseph Roussin. Salut Joseph, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah avec plaisir, hein. Je suis toujours prêt à parler de quand je foire le stand-up. Eh bien, le plaisir est pour nous, le plaisir est partagé parce que vraiment, c'est toujours marrant d'écouter les anecdotes des collègues parce qu'on se dit « Ah ouais, moi aussi, j'ai vécu ça et tout ça », tu vois. Donc, c'est bien pour les anciens, c'est bien pour ceux qui sont dans le stand-up à fond en ce moment, c'est bien pour ceux qui veulent se lancer. Ça fait toujours du bien d'écouter les casseroles et les gamelles de tout le monde, en fait, parce qu'on en a tous au final. Ouais, bah oui, c'est un peu le vidéo gag du stand-up, quoi. sauf que chez nous, c'est pas truqué. C'est ça. Et tu te rappelles que c'était truqué. Tu avais les Inconnus qui avaient fait une parodie de. Bah, je crois qu'il avait appelé gag vidéo, tu vois. Ouais. Et il montrait genre des gens qui faisaient exprès de faire tomber un bébé ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais. Bon. Non, mais le bébé va bien, enfin, j'espère. Et franchement, c'était une manière de dénoncer qu'en fait, il y en a certains. Attends, ouais, c'est clair qu'il y en a certains, ça se voyait que c'était calculé. Parce qu'il y avait, je crois que c'était 10 000 francs à gagner à l'époque. Ah ouais? Ça faisait 1 500 balles, quoi. J'aurais dû faire ça quand j'étais jeune, quoi. Maintenant, c'est trop clair. C'est clair. Et puis, j'avoue, tu vois, je peux même pas leur en vouloir parce que 1 500 balles, un bébé, ça se vaut, quoi. Ah. Bah oui, parce que un bébé, tu le refais, quoi. 1 500 balles, une occasion dans ta vie. Ah oui, pour les refaire, c'est plus dur. En tout cas, toi, tes anecdotes à toi ne sont pas fausses ou inventées ou quoi. Et donc, ouais, tu as pensé à quoi quand je t'ai contacté? Tu en avais à nous raconter? Ouais, bah, en fait, j'ai une histoire qui m'a... Enfin, que je raconte depuis des années parce que c'est vraiment... c'est, je pense c'est mon histoire de big, quoi. Ouais. Et c'était il y a quelques années, c'était au Paname. Et je passais juste après un comédien qu'on ne se connaissait pas et on ne s'était jamais vu avant. Et du coup, c'est lui qui m'annonce sur scène pour après. Et il me demande avant que je passe, tu vois, ouais, est-ce que tu veux que je t'annonce d'une manière particulière, tu vois. Ouais. Il dit non, Joseph Roussin, juste Joseph Roussin, ça va et tout, c'est mon nom. Il fait ok, très bien, tu vois. Et il fait son passage, ça se passe super bien et tout. Et à la fin, il dit bon, alors le prochain, il n'est pas. Attends, c'est quoi, il a dit, il n'est pas forcément très drôle. Mais il est super beau. C'est vraiment le beau gosse du Paname. Machin, tu vois. Et bon, là, je sais que c'est un podcast audio, tu vois, mais on voit pas ma tête. Mais c'est pas le beau gosse du Paname, c'est pas d'autant la définition qui me va le plus, tu vois. Il y aura la photo pour les gens qui vont écouter voilà. Le podcast. Tu vois, avec ta tête et tout. On voit que je suis pas trop dans la culture du corps. Ou, tu vois, c'est quoi ce sabotage? Ah, c'était énorme, il l'a fait, je pense qu'il l'a fait pour s'amuser, tu vois, mais j'étais là, merde, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ça faisait quand même pas si longtemps de ça que je faisais du stand-up, et je savais pas trop me rattraper, tu vois, à l'époque. Genre, vraiment, donc j'arrive, juste je commence mes blagues, tu vois, et là, les gens commencent à rigoler, mais pas de mes blagues, tu vois. Clairement, c'est les rires, c'est, ah, en vrai, c'est drôle, parce qu'il est pas beau gosse, tu vois. Et du coup, je traverse 10 minutes de four, tu vois, genre 5 premières minutes, ils se foutent de ma gueule, 5 dernières minutes, ils m'écoutent même plus, tu vois. Et genre, vraiment, c'est terrible. Et juste après moi, je me souviens, c'était Bunaimin, parce que je me souviens, j'étais genre, ah, en plus, c'est cool, c'est la première fois que je suis dans le même plateau que Bunaimin, tu vois. Et du coup, genre, je traverse l'enfer, j'appelle Boone arrive sur scène, moi, je vais dans les coulisses, et quand je suis dans les coulisses, j'entends Boone faire... Faites du bruit pour Joseph, s'il vous plaît. Et là, deux personnes qui commencent à applaudir et qui s'arrêtent immédiatement parce qu'ils voient que clairement ils sont en minorité, quoi. Et je me souviens, dans les loges, il y avait Sam Melia et Adrien Arnoux. Adrien Arnoux était mort de rire, mais vraiment, genre, il n'en pouvait plus, quoi. Et Seb, il était furieux, quoi. Il était genre, oh, mais c'est des connards, comment ils osent? Genre, t'étais très drôle et tout. Non, mais c'est quand même dingue, quoi, de se dire que le gars, il est capable de faire ça. C'est vraiment pas cool, surtout qu'en plus, il t'a posé la question avant, tu vois. C'est pas comme s'il t'avait dit, tu sais quoi, t'inquiète, je vais bien te présenter. Et là, toi, tu lui avais dit, vas-y, carte blanche, tu vois. C'est ça. Ouais, non, et du coup, est-ce que tu l'as buté avant la fin du plateau ou t'as attendu la fin? Non, bah écoute, là, il est toujours en vie. Mais je pense qu'il doit vivre caché. Non, mais je pense que. En fait, ce qui me brise le cœur, c'est que je pense que lui, il s'en souvient pas. Je pense que vraiment. Le mec, il a détruit ta vie, quoi. Et c'est incroyable. Non, mais il y a incroyable, même ce mec qui fait ça. Je te jure que je pense que s'il écoute ce podcast un jour par hasard, il se dira genre, waouh, c'est chaud, c'est qui a fait ça, quoi. Oh là là là là, mais ça se fait tellement pas parce que, en plus, comme tu l'as dit, voilà, c'était les débuts, t'avais pas encore les armes. Tu vois, aujourd'hui, je suis sûr qu'aujourd'hui, la même situation se déroule, tu vas trouver quelque chose, tu vas même en tirer avantage au final, tu vois. Ouais, ça va, c'est aujourd'hui, j'aurais pu quand même m'en sortir par une pirouette, quoi. Mais à l'époque, j'étais juste terrifié, quoi. J'étais terrifié d'être là, genre, le Paname, c'était quand même genre très impressionnant au début, quoi. Mm-hmm. Tu commences, tu découvres la scène, elle peut faire peur, quoi. Et du coup, j'étais tout timide et frêle, et genre, vraiment, j'étais une brebis égarée, quoi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public, parce que tu sais, les gens s'en souviennent souvent de ce genre de truc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public, genre, qui est venu te voir une autre fois sur un autre plateau ou quoi, et qui t'a dit « Ah, je me souviens au Paname et tout, machin ». Non, mais je sais qu'après ce plateau-là, Seb avait parlé à des meufs du public qui disaient que leur commentaire physique de moi, c'était que je ressemblais à quelqu'un qui allait prendre un flingue et buter tout le monde. Oula. Et ouais, donc genre, moi je le prends pas personnellement, tu vois, mais je me souviens que Seb était très énervé, et du coup, leur avait répondu, bah, j'espère que tu vous buteras en premier. Ouais, ça c'est son côté sniper, ça j'aime bien. C'est pas la réponse la plus diplomatique, mais... Ouais, mais c'est la plus appropriée sur le moment, parce que, ce qui est frustrant, c'est que tu te dis, si le mec avait fermé sa gueule, s'il avait dit, et maintenant, mesdames et messieurs, Joseph Roussin, ben jamais ces filles-là se seraient fait ce commentaire-là, tu vois. Non, mais oui, mais c'est vraiment, c'est du... En fait, si ça avait été un pote, ça m'aurait fait rire, quoi. Ben oui, parce que là, il y a une private joke, peut-être, il y a, je sais pas, genre... Il y a une complicité, et puis il te connaît bien, tu le connais bien, donc du coup tu vas pouvoir le tailler derrière, tout ça. Là, t'avais rien, quoi. Ouais, bah ouais, là je savais même pas qui c'était, ce mec, quoi. Oh là là là là là. C'est vrai que c'est pas cool, quoi. Ça, franchement, là, ça se fait pas. Et bon, du coup, est-ce qu'aujourd'hui encore tu partages des plateaux avec lui ou pas? Je l'ai croisé depuis quelques fois, mais je sais pas si j'ai déjà joué avec lui, je crois pas. D'accord. Ouais, bah écoute, franchement, c'est pas la meilleure façon de passer le micro à quelqu'un, parce que quand même. Tu sais, quand tu es sur scène et que tu dois passer le micro à quelqu'un, la personne derrière, déjà, elle appréhende. En plus, il savait, bah, vu que vous ne vous connaissiez pas, il devait se dire que c'était une de tes premières fois sur scène. Ce n'est pas comme si tu annonces quelqu'un qui a de la bouteille de ouf et tu fais une blague, machin. Déjà, je trouverais ça relou, tu vois. Genre, bah, tu vois, toi, par exemple, qui a annoncé Boone, même si toi, tu avais fait la blague sur Boone, j'aurais trouvé ça relou. C'est pourquoi tu veux saboter mon passage? Laisse-moi tranquille. Ouais, ça. En fait, tu le fais si tu connais la personne, si tu le dis avant. Moi, tu vois, ça m'est arrivé de le faire avec des potes, quoi. Je pense que Rémi Boy, je l'ai déjà appelé sur scène en disant c'est l'aigle toulousain ou des trucs comme ça, quoi. Y a une bienveillance et une complicité. C'est pas une volonté de sabotage, tu vois. Ah bah oui, de ouf. Mais c'était chouette. C'était il y a très longtemps. Mais pour le faire chier, mais c'était vraiment pour la blague, et c'était Pierre Thévenoud, ouais. Qui avait fait, genre il passait juste avant Rémi à un plateau, et il avait fait les blagues de Rémi juste avant de l'appeler. Il avait fait en plus les blagues de Rémi. Rémi venait de commencer, ça faisait vraiment pas longtemps. Ouais, donc il avait pas grand-chose. Il avait pris ses 3 minutes qui fonctionnaient mieux, il les avait fait, il a fait « Maintenant, Rémi Boy !» Et du coup, comment ça s'est passé? Bah, Rémi était mort de rire, mais ça va, je crois qu'ils s'en est tirés, mais c'était vraiment très très drôle à faire, quoi. Ouais, faut dire ce qui est, Rémi, il est quand même très très fort en impro aussi, et puis tu vois, je pense qu'il est capable de retomber sur ses pattes, tu vois, et... Ah bah oui, bah, il... Bah, il est bon, franchement, moi je l'ai vu quelques fois sur scène, et franchement, je trouve que c'est un des mecs, justement, parce qu'il a un vrai ton conversationnel, tu vois, avec le public, tu sais, on n'a pas l'impression qu'il récite son texte, tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui. Donc là, en fait, il a juste dû improviser sur le moment, ou peut-être sortir des blagues qui n'étaient pas encore sorties du four à la base, tu sais, qui n'étaient pas encore prêtes ou quoi. Et ben, du coup, ça l'a peut-être forcé à tester, je ne sais pas. Ouais, bah oui. Ah, et puis c'est drôle, quoi. C'est vraiment... il a, tu vois, il a sa posture, il a son style un peu nonchalant et tout machin, franchement, et très conversant. Je te dis, un ton, moi, je sais que quand je le regardais, la première fois que je l'avais vu, c'est quand il racontait son histoire de souris, tu vois. Et vraiment, c'était marrant, quoi. Je l'avais vu aussi sur un set où il parlait du livreur Uber Eats ou je sais plus, Deliveroo, enfin voilà. Ah oui, c'est très drôle, ça. Voilà, bah, c'est un truc. Tu sais, on dit souvent le stand-up, c'est... Tu sais, enfin, il y a des gens qui disent que le stand-up, c'est vraiment le mieux, c'est quand tu as l'impression de discuter avec un pote. Moi, je trouve que Rémi, il fait partie de ceux avec lesquels on sent plus ça, justement. Ah bah, carrément. Hein. Bah, c'est les retours qu'il a eu sur le... Il a fait Montreux, là. Ouais. Et vraiment, les retours qui reviennent le plus sur Montreux, c'est ça, quoi. On a l'impression que c'est un pote qui parle, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est le mieux quand tu arrives à faire ça en stand-up, quoi. Ah bah bien sûr, ouais, c'est parce que le stand-up, tu sais, bah alors après, il ne faut pas non plus se tromper, parce qu'il faut que les gens sachent que c'est travaillé, tu vois. Parce que le danger d'avoir des mecs comme Rémi, le danger d'avoir des mecs comme Rémi Boy, c'est que les gens qui voient ça dans le public, certains se disent, ouais, je sais pas, ah, je pourrais le faire, hein, tu vois. Mais après, ils se lancent et ils comprennent qu'ils ne peuvent pas. Et voilà, donc je trouve que déjà, il faut bien écrire quand tu fais du stand-up et tout, il faut bien écrire, mais comme dans toute représentation scénique, tu dois bien écrire, tu vois, même quand t'es chanteur, il faut bien écrire et tout, tu vois, enfin, il faut avoir quelque chose quand même, déjà, ça c'est une chose, mais le step d'après, et qui est vraiment balèze à atteindre, c'est que ce soit tellement bien écrit que tu donnes l'impression qu'en fait, c'est pas écrit. Ouais, ah bah oui, bien sûr, ouais. Et ça, franchement, si on pouvait l'atteindre, mais on serait les rois du monde, tu vois. Mais s'il y a une méthode, justement, que Rémi fait, et que je lui ai emprunté quelques fois, c'est de commencer un passage par dire, avant de commencer, j'ai juste un truc à vous dire. Et tu fais ta première vanne, et après tu passes au reste du passage, tu vois. Mais juste de dire, avant de commencer, ça fait vraiment, tu fais croire aux gens que tu fais pas vraiment du stand-up, tu leur parles juste vite fait, et en fait tu fais juste une blague. Et ouais, si ouais. Ça passe, parce que les gens se disent « Ah, oh, c'était juste du bonus, et maintenant c'est le vrai stand-up », et si ça marche, si les gens sont genre « Ah, oh, ça a même pas commencé, et c'est déjà drôle, quoi. » Ah, c'est bien, hein. Franchement, c'est une belle pirouette, ouais. Ah bah ouais, ça, c'est... Je l'ai fait quelques fois. Et en fait, ça permet aussi de, quand tu veux tester une blague qui marche tout sur ce plateau, parce que tu as un truc du décor, ou de la rue, ou du quartier, un truc comme ça, ça passe, parce que si elle marche pas, c'est pas très grave. le public, en fait, a toujours une espèce de tolérance pour, tu vois, une compassion, une bienveillance et tout pour les blagues qui sont improvisées ou qu'ils pensent improvisées, tu vois. Voilà. Donc, oui. S'ils voient un élément dans la salle et que tu fais une blague sur cet élément-là, même si c'est pas marrant, ils vont dire, eh, quand même, le mec, bien, quand même, bien remarqué, c'est pas marrant, mais bien joué, j'avais pas fait gaffe, tu vois. Ouais, bah ouais, et puis c'est toujours, au final, c'est toujours agréable de trouver. Moi, j'aime bien, je faisais ça, bon, avant, quand on jouait, il y a longtemps, mais aller sur différents plateaux et essayer de trouver une vanne qui est propre à ce plateau, c'est assez kiffant. En fait, ça te fait travailler un peu, et puis ça fait aussi, tu vois, pour le public, ça fait genre, ah, bah, il a un peu, tu vois, genre, il a un peu travaillé en dehors de, enfin, tu vois, il fait pas les mêmes 10 minutes tout le temps, quoi. Ah ouais, ouais. Bah, c'est bien de personnaliser un petit peu, de tuner un peu ton passage, ouais, avec une blague. Ouais, tu mets, bah, voilà, comme tu dis, tu mets une blague spécifique à l'endroit ou quoi, et puis après tu fais ton set, et là les gens, tu vois, ils ont l'impression, tu sais, c'est comme si t'as changé juste tes enjoliveurs sur ta voiture, tu sais, et les gens ont l'impression que t'as changé de voiture. Non mais ouais, c'est ça de ouf, quoi. Ah ouais, mais c'est ce qu'il faut. Les gens, en fait, ils aiment bien avoir quelque chose bien à eux, tu vois, genre, ah, t'as vu, il a fait cette blague-là, c'est que pour nous. Ah bah oui. Ils veulent être, en fait, ce qui n'est pas logique parce qu'ils sont plusieurs dans la salle et tout, mais limite chacun veut un spectacle pour lui, quoi. Ouais, bah, c'est tout le principe des gens qui parlent pendant les passages de stand-up, quoi. Ça m'est arrivé aussi, ça, une meuf très très bourrée. et je me souviens, mais genre, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi, parce qu'elle essayait de deviner les chutes avant qu'elles arrivent, donc elle t'interrompait pile au moment. Genre d'avant la chute, donc c'était terrible. Et au bout d'un moment, et si tu lui parlais, elle répondait, donc ça faisait perdre du temps à tout le monde. Et c'était mais terrible, quoi. Et à la fin, elle était venue me voir, elle m'avait dit, ah, c'était super. Alors attends, est-ce qu'elle t'a dit c'était super pour ta prestation ou pour la sienne? Non, elle avait beaucoup aimé le spectacle, tu vois. Ouais, mais comment est-ce qu'elle peut l'avoir apprécié alors qu'elle l'a défoncé complet? Oui, oui, mais n'a pas pu. J'ai essayé de lui dire, bah, en fait, non, c'était pas super, parce que moi je l'ai pas très bien vécu, parce qu'en fait, quand on te demande plusieurs fois d'arrêter de parler, t'es la seule personne à parler, ça, c'est pas possible et tout, faut pas faire ça pendant un spectacle. Ah ouais, c'est vrai qu'au bout de 14 ferme ta gueule pendant le passage, il y a un indice quand même. Oui, c'est ça, quoi. Et puis, tu sais, tu vois, essayer de lui expliquer, en fait, t'étais la seule personne qui parlait. Tout le reste du public, il parle pas, donc c'est pas normal et tout, tu vois. Et. Oh, c'est tellement dur. Parce qu'en plus, t'as pas envie de perdre le public, tu vois. Donc, si t'es Ah, ben. trop méchant avec elle, tu peux refroidir la salle. C'est ça qui est chaud. Ah ouais, non, mais c'est. En fait, il faut vraiment s'assurer à ce moment-là que la personne qui fait du bruit, elle te dérange pas juste toi, mais tout le public, quoi. Parce que des fois, il y a quelqu'un qui chuchote dans l'oreille de quelqu'un et t'as genre, oh, ça me fait chier, mais personne l'a remarqué, quoi. Oui. Ben moi, j'ai un peu ce réflexe-là, tu vois. Alors au début, je me prenais pas la tête, tu sais, genre, enfin, j'ai peut-être été un peu maladroit au départ, mais genre, je disais, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de parler, machin, t'sais. Et en fait, ça refroidissait l'ambiance, ça cassait le rythme et tout. Donc maintenant, ce que j'ai tendance à faire, c'est que dès que j'entends quelqu'un qui parle, tout ça, je dis rien au début, je dis rien, vraiment, je prends sur moi, tu sais, je continue sur mes rails et tout. Et si je vois, si je commence à voir les gens autour de cette personne qui se retournent, qui commencent à faire genre, oh, tu vois, des trucs comme ça, là, j'interviens, tu Ah, vois. oui. Je me suis toujours dit, enfin, tu vois, maintenant que j'ai trouvé cette façon de faire, je me dis toujours, si ça dérange que moi, j'assume, c'est mon boulot. Si Ouais. ça dérange ne serait-ce qu'une personne dans le public, je dois la défendre, tu vois. Ouais, ça bien sûr. Mais puis en plus, si ça dérange que toi, c'est pas si grave. Tu vois, ça peut arriver de. Moi, ça m'est arrivé d'être dans un public de stand-up et de penser à un truc et de le dire à mon pote dans son oreille, tu vois. Et t'essaies de le faire tu vois, le plus discrètement possible et si personne t'entend tout va bien quoi donc c'est pas si grave quoi mais par contre ouais les gens qui de toute façon les gens qui te répondent c'est vraiment insupportable quoi Ouais, bah, le problème, c'est qu'après, tu vois, ils se sentent en fait légitimes, tu vois, quand tu leur parles et tout. Soit ça peut les calmer totalement, mais malheureusement, l'alcool, souvent, ça enlève, tu vois, genre, ça les désinhibe. Donc, ils se disent, ah bah, c'est bon, alors du coup, ça y est, c'est moi, genre, limite, c'est moi qui suis en lumière maintenant, quoi. Ah bah oui, c'est ça de ouf, quoi. Mais en fait, j'avais lu une histoire, je sais plus dans quel épisode je l'avais raconté. C'était un mec bourré aux États-Unis, tu vois, un heckler, quoi, qui arrêtait pas de déranger le spectacle et tout machin. Et il a fait quoi? Tu vois, genre, il a fait un petit mea culpa, on va dire. Il est parti voir le responsable de la scène et il lui a dit, je vous demande pardon, j'ai été, tu sais, c'était après, hein, bien sûr. Hein. Il lui dit, je vous demande pardon, je sais que l'autre fois j'ai vraiment été relou et tout, donc j'aimerais monter sur scène, s'il vous plaît, pour savoir ce que ça fait. Et le mec, il a dit d'accord. Ils se sont donné rendez-vous. Oui, pardon, il n'a pas été le voir, excuse-moi. En fait, ce qu'il a fait, il a écrit une lettre au proprio, tu vois, pour présenter ses excuses et tout. Et il lui a dit, j'ai écrit un passage de stand-up, j'aimerais venir la prochaine fois pour le faire, pour savoir ce que ça fait. Et le gars a dit d'accord. Il a dit, tu viens et tout. Quand il est venu, le mec donc, qui gérait la salle, il est monté sur scène, il a annoncé aux gens, mesdames et messieurs, celui qui va venir maintenant, il faut que vous sachiez, c'est un mec qui nous a heclé pendant tout le passage, pendant toute la soirée, et il a décidé de faire son mea culpa en montant sur scène. Donc on va l'applaudir, je vais vous lire sa lettre et tout. Donc il a lu la lettre du mec. Donc tout le monde était au courant de la situation. Il est monté, il a pris un four de 5 minutes. Et là, derrière, il a dit, je recommencerai plus jamais à déranger les autres. Parce que maintenant, je sais ce que ça fait. C'est dingue, Ouais, j'avoue, c'est de l'organisation quand même pour. hein? Ben, le problème, c'est que tu auras toujours des gens bourrés. Enfin, c'est le souci, parce que l'alcool, voilà, il y en a beaucoup. S'ils ne boivent pas, ils ne vont pas sortir et tout. Donc, c'est compliqué. Et des fois, ils abusent un tout petit peu, donc ça leur donne un peu trop de confiance. Tu sais, quand ils sont vraiment ivres-morts, genre à même plus pouvoir bouger une oreille, tu vois, là, c'est pas grave. Mais quand ils sont juste assez bourrés pour pouvoir parler et enlever cette peur de parler en public et tout, là, ils se permettent des trucs. Et si seulement c'était marrant, si seulement c'était marrant, tu vois, mais c'est pas marrant, ça plombe l'ambiance. Toi, ça te flingue ton passage et tout. Enfin, personne n'est gagnant là-dedans, en fait. Ah bah ouais, c'est ça quoi. Mais faut essayer de leur expliquer aux gens. Bon après moi la meuf avec qui j'avais parlé, elle était vraiment trop saoule, donc quand je lui ai expliqué, elle a dit que avant elle passait une bonne soirée, mais maintenant non, parce que je l'avais ruinée. Donc là, bon bah. Dis Oh, quoi. franchement, je peux la comprendre, Joseph, sans déconner. Tu as ruiné sa soirée, franchement. Oh. Mais sinon j'avais parlé avec un autre éclair il y a longtemps. Et un mec qui arrêtait pas de parler pendant tout le spectacle, pareil et tout. Et à la fin, exactement la même chose. Il était venu, il nous avait félicité, il avait dit c'était super et tout. Et on lui disait, mais non, en fait, parce que t'es intervenu et tout, faut pas faire ça. On t'a demandé plusieurs fois de pas le faire et tout. Et il dit, ouais, mais moi, en fait, je voulais vous aider, quoi. Mais c'est gentil, mais je pense qu'on peut se débrouiller tout seul, quoi. Enfin, vraiment. Vraiment, Joseph, là tu viens de montrer que vous étiez vraiment des ingrats. Hein. Le mec veut vous donner un coup de main Et vous n'êtes même pas capable d'apprécier cette main tendue. Franchement, c'est pas cool. Non, mais c'est marrant comme mentalité, quoi. De vraiment, la personne est là, genre, ah bah tiens, ils sont drôles, mais hey, ça vante de peps, quoi. Je vais. Et c'est sûr que dans la liste des ingrédients du stand-up, quand il manque un petit goût, tu vois, derrière, quand c'est un peu fade, quoi de mieux qu'un mec bourré qui t'interrompt toutes les 3 secondes ? Ah bah oui, c'est ça. Hein. C'est dans tous les spéciaux américains, il y a un mec bourré qui est là tous les 3 secondes. Franchement, c'est chaud, mais en même temps, malheureusement, si on dit aux gens, bah, tu sais, imagine, on dit, bah, à partir de maintenant, sur tous les plateaux de stand-up, il n'y aura plus d'alcool. Bah, le problème, c'est qu'il n'y aura plus de spectateurs non plus, quoi. Ah bah oui, c'est faut surtout pas faire ça. Non, c'est mais tu vois, on est obligé de jouer avec la limite à chaque fois. Tu vois, moi je bois pas personnellement, mais je vois que il y a même des artistes, genre ils peuvent pas monter sur scène s'ils boivent pas un petit coup avant, quoi. Ah bah oui, bah ça désinhibe. Hein. Bah ouais, après faut voir. Moi je sais que je préférerais toujours, tu vois, genre voir une salle, bon pas qu'avec des tisanes non plus, tu vois, mais genre voir une salle quand même assidue. Plutôt que de voir des mecs bourrés, parce qu'en plus, ils boivent pendant que tu joues, donc t'entends les bouteilles qui souffrent, t'entends les glou-glou quand ils boivent en même temps, tu vois, c'est chaud, quoi. Après, ça va, généralement, quand même, les gens bourrés, dans le public de stand-up, c'est quand même des gens assez minoritaires, quoi. Au final, les gens qui se bourrent vraiment la gueule, ils vont pas voir du stand-up, à part sur des plateaux un peu comme... Le Paname 23h45... Ouais. Ça, c'est ouais, le 23h45, c'est vraiment, c'est que des gens bourrés, tu vois, à ce moment-là. Mais parce que c'est du stand-up à minuit, c'est genre, c'est forcément, quoi. Mais, ah oui. Mais sinon, tu vois, personne, c'est rare que tu aies toute une salle de public complètement arrachée à 21h, quoi. Ah bah, tu sais, détrompe-toi, hein, j'avais joué en Vendée une fois, bon après... Voilà, ouais, première fois là-bas, je sais pas du tout, je connais pas du tout leurs habitudes et tout, mais vraiment là, j'avais un mec bourré, je jouais dans un bar, c'était un dimanche, si je dis pas de bêtises, genre un dimanche à 15h, quoi. Et le mec était bourré et il a flingué le... Enfin, si tu veux, j'ai réussi à le contenir pendant le spectacle, mais il arrêtait pas d'intervenir, j'étais obligé de le reprendre à chaque fois, mais ça va, je le faisais de façon à ce que le public soit avec moi, tu vois, j'ai pas été... trop méchant, mais voilà, j'aurais voulu qu'il dégage, quoi. Et le problème, c'est que mon souci, c'est que je jouais dans un bar et que c'était un pilier de ce bar, tu vois. Donc, la gérante, elle n'a pas osé le reprendre, elle n'a pas osé le virer. Ah bah, bien sûr. Bah, c'est sûr, tu vas pas engueuler 35% de ton chiffre d'affaires, tu vois. Je peux la comprendre à ce niveau-là, mais le problème, c'est qu'il a flingué également 35% du spectacle, tu vois. Donc, c'était compliqué, mais ça va. Heureusement, les gens étaient avec moi, tu sais. Parce que il voyait que le mec était relou et tout, je le reprenais de temps en temps. Pour à un moment, je lui dis, écoute, j'ai dit, tu sais quoi, la prochaine fois que tu parles, je te balance cette chaise là. Donc ça a fait rire les gens. Ça a fait rire les gens. Et la fois d'après, quand il a parlé, j'ai attrapé la chaise et les gens ont fait oh. Tu sais, on m'a dit, il va le faire, il va vraiment la balancer. Et le pire, bah, tu sais quoi, bah, ça me revient maintenant. Il est venu me voir à la fin et il m'a fait un peu comme toi, genre en mode, t'as vu, hein, c'était bien ce que j'ai fait. Hein. Ah mais oui, parce qu'en même temps, c'est évidemment que ils pensent ça, parce que sinon ils le feraient pas, quoi. C'est logique, évidemment, que dans leur tête à ce moment-là, c'est une bonne idée parce que personne va se dire, enfin, tu vois, personne se dit c'est mal poli d'interrompre pendant un spectacle, c'est vraiment un truc de connard, tiens, je vais le faire immédiatement, quoi. C'est vrai, il se dit, ah, j'ai une idée en or et je suis sûr que le comédien va être reconnaissant envers moi. Ah oui, c'est ça, parce qu'il aime bien les blagues, c'est un blagueur, c'est un troubadour, il aime bien, c'est vraiment le cliché du tonton en repas de famille, quoi. Bah, t'aimes bien les plates, toi, j'en ai une. Ah, d'accord. Et puis après, quand t'entends la blague, ouais, après, tu regrettes de lui avoir donné la parole, malheureusement. Oui, bah oui. Hein. Non, mais écoute, les gens bourrés, après, je sais pas, c'est un concept, moi, que je pourrais pas comprendre. Parce que, en fait, normalement, si tu te bourres la gueule, enfin, moi, je me dis tout le temps, tu vois, ils sont bourrés, mais est-ce qu'ils vont se souvenir du spectacle, tu vois? Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe? Je pense que. Venir en étant bourré ou presque, c'est pas une bonne idée parce que tu vas même pas apprécier, tu vas même pas apprécier le spectacle à sa juste valeur, quoi. Ah bah c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, on continuera à jouer devant des gens bourrés et tout. Donc tu avais une autre anecdote? Ouais, alors c'est très rapide. C'était il y a 2-3 ans, je crois. On avait joué dans le sud-ouest, à côté de chez Rémi. Oui. Me Boy. Et en fait, c'était le One More Joke. Donc, mais juste le bar, le One More. Qui s'occupait du plateau, faisait une tournée dans la France pendant l'été où ils installaient leur bar de manière éphémère un peu partout, quoi. Ah. Et du coup, ils voulaient faire un truc de stand-up dans le sud-ouest. Ils avaient proposé à Rémi, parce qu'il vient de là-bas. Et moi, j'étais en deuxième et on devait faire 30 minutes chacun avec un pote à nous, Théo, qui devait faire la première partie. Et on arrive et c'est vraiment, c'est un endroit, c'est au bord d'une falaise. Il y a la mer derrière, c'est magnifique. Et je pense que c'est le plus bel endroit dans lequel j'ai bidé, quoi. Vraiment. C'était terrible. Je pense qu'on a fait 10 minutes chacun en tout, parce que genre, vraiment, tout le monde s'en foutait. C'était en plein air, il y avait du vent, les gens ils étaient loin, il n'y avait que des enfants, il y avait un chien. À un moment, le chien est monté sur la scène et tu avais l'enfant qui le suivait. C'était, mais... c'était horrible, quoi. Mais par est-ce, contre... que, est-ce que le chien était bourré? Et le chien était bourré, en plus, quoi. Oh là là là là, quelle difficulté. Bah, en fait, vous avez réuni toutes les difficultés, quoi. Vous avez réuni le plein air, les enfants, le vent, la mer derrière. Donc, visuellement, c'était plus intéressant que de regarder la scène. Non, là vraiment, c'était un bide obligatoire, quoi. Ouais, bah ouais, on a fait le bingo du bide, quoi. et donc, là, bah, alors vous avez joué 10 minutes chacun au lieu de 30. Et la première partie, qui devait sûrement faire 10 minutes, combien il a fait? Je crois qu'il a fait 5, mais il a peut-être fait moins. Oui, mais c'était pas grave. C'est même les maîtres du bois de mort, et c'était genre, enfin, vous en quittez pas, quoi. Genre, la fête, faites ce que vous voulez. Oui. Ah bah oui, bah j'imagine, ouais, c'est clair. Bah le One More, ouais, ils connaissent bien. Moi, j'avais joué à l'époque au One More Joke et tout, c'était vraiment super. C'était, ouais, je crois que c'était rue de la Folie Méricourt, c'est ça? Ouais. Ouais, bah c'était franchement, c'était bien, quoi. C'était une bonne ambiance et tout. Et donc, ils connaissent le stand-up. Donc, ils savent, ils vous en voulaient pas. Alors qu'il y a des gens qui sont capables, tu vois, quand ils connaissent rien au stand-up et tout, ils sont capables de faire venir des humoristes. Ça bite sa grand-mère comme pas possible, mais parce que les conditions sont pas réunies. Et après, ils sont capables de venir voir les humoristes en disant, les gars, franchement, vous avez pas assuré, c'était pas cool. Genre, limite, on n'a pas envie de vous payer, quoi. Ah oui, il est ouf. Non, là, quand c'est des gens qui connaissent bien, ils disent t'inquiète pas, vas-y, fais ce que tu peux, ou si tu veux même ne monte pas, mais t'inquiète, on comprend, tu vois. Ouais, bah oui, parce que tu sais très bien que genre, là, ça va pas, il n'y a aucun moyen que genre, toutes les étoiles se sont alignées pour que ça marche pas, quoi. Ouais, non, là, vraiment, c'était, ouais, comme tu as dit, le bingo du beat, quoi. C'est... Oh là là. Et les gens, du coup, après, quand vous êtes partis, ils se sont pas dit que c'était un peu court, parce qu'à la base, ça devait durer une heure et quelques. Non, je crois que, enfin, tu sais, il y avait pas beaucoup de gens qui écoutaient pour c'était du bruit de fond, quoi. Oh. Mais on a fait un foot avec des enfants. Ouais. Ouais, mais souvent, en fait, quand t'as des histoires comme ça, ça part en animation derrière. Ah oui, non, mais oui, c'est ça, quoi. Genre, c'est vraiment. Mais je pense. Après, j'ai vraiment pas de souvenir d'avoir parlé avec des gens après. Je pense que tout le monde nous a juste poliment ignorés. Des fois, c'est mieux, tu vois. Genre, juste tu croises des regards, genre, les gens ne disent rien et tu sais, genre, t'es genre, oui, bon, ça t'a pas plu, tu sais. Mais ben, je préfère ça, perso. Je préfère le regard fuyant ou le regard avec un petit sourire, tu vois, que le fameux belle énergie. Belle énergie, ah, bon courage. C'est... Ouais, c'est un début, il y a du travail. Il y a du travail, alors, merci, quoi. Ouais, et il y a aussi genre, ouais, vous avez un autre métier à côté ou... Bah oui, le classique. Ah bah bien sûr. Mais bon, c'est, bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure en off, c'est si t'es pas capable d'endurer ça, d'endurer ce genre de situation, parce que tu t'y exposes quand tu montes sur scène, vaut mieux pas faire de scène, quoi. Ah bah oui, bien sûr, quoi. C'est obligé, tu vas passer par là, tu vas passer par des galères et tout, t'es obligé, donc il faut être capable de se défoncer l'ego, tu vois, faut que ton ego, tu le tabasses, tu vois, quand tu montes sur scène et que les gens rient pas, et qu'en plus, il faut que tu fasses bonne figure, franchement, voilà quoi, c'est dur, donc si t'es pas capable d'endurer ça, vraiment, un conseil, monte pas sur scène, t'as, c'est vraiment dur, quoi. Ouais, mais oui, ça vaut pas le coup si ça te plaît pas tant de ça. Ah ouais, faut pas que ce soit une souffrance non plus, tu vois. Nous, on accepte ça parce que derrière, il y a du kiff. Ah bah oui, bien sûr. Et parce que le kiff est beaucoup, beaucoup plus, enfin, beaucoup plus gros que le côté désagréable, quoi. Bah moi, j'ai l'impression, en fait, que le kiff, tu vois, les kiffs que t'as sur scène, ce sont des kiffs extrêmes que tu n'auras pas dans la vie lambda, tu vois. Et les bides et les souffrances que tu as sur scène, ce sont des souffrances que tu n'auras pas dans la vie normale. Mais après, bien évidemment, dans la vie, il y a des choses beaucoup plus graves. Hein, la maladie, oui. La mort, etc. Tu vois, voilà. Mais je pense que souffrir, tu sais, je sais pas, genre souffrir sur scène et devoir faire bonne figure devant les gens, je sais pas s'il y a quelque chose d'équivalent dans la vie, tu sais, ouais. Parce que dans la vie, en fait, je crois que c'est Dedo qui disait ça, ouais, c'est Dedo qui disait ça dans le podcast de Sébastien Marx, il disait, quand tu es sur scène et que ça se passe mal, faut en plus que tu gardes vraiment, que tu gardes le sourire, que tu aies l'impression, que les gens aient l'impression que tu t'éclates, alors qu'à l'intérieur, tu as envie de mourir. Et il disait, dans la vraie vie, quand il t'arrive un sale coup, tu as le droit de partir, de pas être bien, tout ça. Ouais. Mais sur scène, tu n'as pas le droit. Il faut que tu restes jusqu'au bout. Et on est dans un métier de paraître et tout, et puis de donner l'illusion au public que tout se passe bien et qu'on kiffe. Mais bon, après, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on arrive à donner le change, tu vois, et plus on met de chance de notre côté de pouvoir retourner les situations, quoi. Ah oui, carrément. De toute façon, je pense que c'est en faisant et en faisant et en faisant, quoi. Et puis même, moi, les bides, au final, ça fait toujours chier, parce que ça reste toujours un échec quand tu bides, tu vois, mais quand je bide, déjà, ça se passe. Les bides ne sont pas pareils que mes premiers bides, quoi. Mmh. C'est des bides où tu peux quand même sauver un peu des morceaux, si tu es quand même genre, bien, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et puis je le prends moins, tu vois, au final, ça m'amuse quand même beaucoup plus, le bide, quoi. Je trouve qu'il y a un côté vraiment très, très drôle dans le fait de bider, quoi. Bah, c'est drôle en fait, bah, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure avec ton histoire au Paname, Adrien Arnoux était mort de rire. Mais parce que moi aussi, genre, moi je suis entré dans les loges, mais je le regardais, mais j'étais genre les deux personnes qui applaudissent, quoi. Super drôle. Et en fait, c'est un côté de genre vraiment de. T'arrives sur scène, t'es le seul à parler, t'as un micro et t'y crois et tu te dis un truc que tu penses qui est vraiment très drôle et toute la salle est d'accord pour dire que non, mais c'est super drôle, quoi. C'est vraiment genre, ah là, non, ah merde, quoi. Genre vraiment tapis, mais genre, vraiment perdu, quoi. Ouais, ouais, c'est pas facile, tu vois, parce que les gens se disent, tu sais, ils savent pas forcément, parce que je sais pas si tu le dis, toi, quand tu testes, tu le dis pas. Moi, ça dépend. Ça dépend de quel plateau c'est, ça dépend de. Non, moi, je préfère le dire à la fin, tu vois. Genre, je le fais souvent chez nous au Gavé Style, quand je joue. Donc, c'est notre scène ouverte de Bordeaux qui est tous les jeudis. Et, ouais. Et quand je joue là-bas, si j'ai un nouveau texte, je monte sur scène, je balance le texte. Et à la fin, quand j'ai terminé et que le présentateur vient pour me déprésenter, là, je dis, mesdames et messieurs, vraiment, merci beaucoup. J'ai testé ici. Voilà, c'était un nouveau passage. C'était un nouveau passage et je tenais à le tester ici parce que je me sens à la maison sur cette scène. C'est notre scène à nous. Donc, vraiment, merci à vous. Je tenais à le tester devant vous. Parce qu'en fait, je me dis, si tu les préviens avant, ça peut biaiser un peu leur retour, tu vois. Ça peut biaiser un peu leur réaction parce qu'ils se disent, ouais, ouais. Ah, il y a une espèce de bienveillance supplémentaire, ce qui est bien en soi, mais au final, tu n'auras pas la vraie valeur de ce que tu leur as servi, quoi. Ouais, bah ouais, je suis d'accord. Après, c'est, moi, ça dépend. Moi, chaque test est un peu différent, quoi. Ça dépend si je veux tester un sujet ou si je veux tester pour quelque chose d'autre. Enfin, tu vois, genre, je sais pas, c'est moi après, des fois, je me dis, c'est un outil aussi de leur dire que c'est du test, quand c'est du test, et autant mettre un peu toutes les chances de ton côté, quoi. Enfin, tu vois, si tu le fais bien et si tu fais. C'est toujours. Une béquille de ouf, de si ça marche pas, dire ah bah c'était du test, tant pis, tu vois. D'accord, genre, c'est vraiment un truc vieux comme le monde, mais si ça peut te mettre bien, tu vois, et de pas créer un malaise parce que t'as bidé, genre, bah fais-le à ce moment-là, quoi. Ouais, mais alors le problème, je comprends, et c'est vrai que c'est une béquille utile de temps en temps, mais regarde ce qui va se passer. À force de le tester, ce sera plus du test, on est d'accord? Ouais, bah oui. Voilà, je veux dire, la première fois c'est du test, pour moi, à partir de la deuxième. Allez, peut-être pas la deuxième. Allez, on va dire à partir de la quatrième ou cinquième fois que tu le joues, c'est terminé. Tu peux plus dire que c'est du test, quoi. Ah non, par contre, si je dis que c'est du test, je le dis que pour la première fois, je le dis pas pour après. D'accord, ok. Ben, tu vois, le problème, c'est que si tu as eu des réactions un peu biaisées par le fait que tu aies annoncé que c'était un test, après, sur les autres fois, ça va déséquilibrer un peu le truc. Alors que si dès le départ, tu dis rien, tu sais directement, tu as le retour du public. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, par rapport au Paname. Je te disais, en fait, le problème, c'est que quand tu montes sur scène et que tu présentes quelque chose, si tu dis pas que c'est du test, moi, je te dis, je fonctionne comme ça, tu vois, je dis pas. Les gens se disent, ça doit être quelque chose qu'il a déjà rodé, donc il y a une espèce d'exigence. Ouais, et l'avantage de tester comme ça sans prévenir, c'est que justement, comme il y a cette exigence, si tu réussis à passer le cap, c'est que c'est vraiment du bon texte, quoi. Non, mais ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est bien, je devrais faire ça aussi. Mais moi, je... J'aime bien ma bêtise. Je te rassure, hein, on est beaucoup à bien l'aimer, tu vois, mais je pense que ça peut valoir le coup de leur dire que c'est du test quand tu prépares, comme tu le disais, pour quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, tu vas faire Montreux, tu peux leur dire, bon, bah, mesdames et messieurs, ce soir, voilà, je vous remercie d'être là et tout, je vais tester un passage, j'ai la chance d'être programmé à Montreux. Bon, après, c'est un peu dangereux de dire ça, parce que si jamais tu bides, les gens vont dire, eh ben, bonne chance pour Montreux, mon pote. Elle est ouf. Ça va Montreux, ça je pense en... Non, mais vraiment, tu sais, après, ils vont écrire sur la page Facebook de Montreux et tout, c'est genre, eh, punaise, bravo pour la programmation. Hein. c'est dangereux, c'est à double tranchant. Mais je pense que ça peut être intéressant de le dire quand c'est pour, par exemple, je sais pas, tu leur dis, j'ai une chronique demain chez Radio Nova, tu vois. Eh ben allez, je voudrais tester ma chronique avec vous. Je pense que c'est intéressant quand le format est différent. Format chronique ou quand c'est un format télé, tu vois, parce que c'est pas un format stand-up classique, quoi. Donc, là, c'est plus pour expliquer ce que je vais vous faire là. C'est de l'humour d'actu qui va passer à la télé. Genre, en gros, mettez-vous en mode TV ou en mode radio. Et dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Ouais, bah oui, puis en plus, des fois, pour des tafs comme ça, t'as des sujets tellement spécifiques que si t'arrives sur scène et que tu dis, bon, bah, on va parler de ça, et que c'est très, très précis et bizarre, tu vois, genre, les gens, ils vont dire, pourquoi on parle de ça, tu vois. Ouais, totalement. Il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens, et puis il faut les mettre dans les bonnes conditions. Il faut que les gens ne soient pas bourrés dans la salle. Il faut que les gens nous écoutent. Il faut que les gens soient bienveillants. Il faut que nous aussi, on soit bienveillants envers les gens, ne pas être agressifs, des fois, envers le public, comme certains. Je trouve ça un peu dommage. Mais l'humour, bah voilà, c'est une science inexacte qu'on continuera à étudier. Et vraiment, c'était un plaisir d'écouter tes anecdotes, voilà, les anecdotes que tu as suivies au cours de ton étude de l'humour. Et vraiment, merci beaucoup, Joseph, pour ces belles anecdotes. C'était cool. Bah, merci à toi. C'était un plaisir de les partager. Plaisir partagé, justement. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Je ne vais plus sur Facebook, donc n'y allez pas non plus. Sinon, bah, sur Instagram, c'est Détective Roussin, ou Joseph Roussin, tapez Détective Roussin, c'était mon podcast. Oui, que je kiffais vraiment, c'était génial. Ah, yes, cool, bah, merci. Ah, c'était super. Et d'ailleurs, bah, j'imagine qu'on te pose la question environ 48 fois par jour, mais est-ce que le podcast reprendra un jour? Et bah, détrompe-toi, on ne me pose pas si souvent cette question. En tout cas, moins que 48 fois par jour. D'accord. Mais alors là, c'est possible qu'on fasse l'épisode du déconfinement. Ah, ben c'est ce que j'allais dire. J'allais dire là, avec l'actu, ce serait génial d'entendre l'avis du détective Roussin, quoi. Bah écoute, c'est possible. En principe, là, on a une idée. Donc peut-être que il faut juste que je l'écrive maintenant. Donc ça ne dépend que de ma propre motivation. Eh bien, nickel, c'est parfait. D'accord, donc Détective Foussin. Il y a aussi le podcast De Passage. Ouais, De Passage, qu'on fait avec Fred Cham et Rémi Boy, où c'est des extraits de stand-up. Ah, vraiment, je me suis abonné et j'ai vraiment kiffé le concept, c'est super. Bah, c'est du test en live, quoi, et c'est vraiment super cool, quoi. Ouais, on le faisait quand c'était ouvert. Du coup, là, on peut pas le refaire encore parce que c'était dans un bar. Mais c'était, on testait 20 nouvelles minutes par mois chacun et on piochait dedans pour faire le podcast. D'accord. De toute façon, là, le temps que l'épisode sorte, je pense que du coup, ce sera bon. Peut-être que ça aura repris d'ici là parce que le podcast sort en octobre, si je dis pas de bêtises. Ah, bah, je pense que, ouais, j'espère qu'on aura repris. Ouais. Bon, bah, pas de souci. Tu as une chaîne YouTube? Non, mais bientôt sur la chaîne YouTube du Barbès Comedy Club, on va sortir des sketchs vidéo. Voilà, donc il faut attendre un peu, mais ça va sortir. Là, on est en train de les tourner. Eh bien, super, avec grand plaisir. Et donc, on te retrouve là-dessus. Et puis, pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.